De Canal B, c'est l'antenne le plus sûr, sur l'antenne du 94 MHz. Et oui, on a qui bosse en ce début du mois de juillet. C'est pas comme nos camarades de Stone Circus. C'est pas bien de débiner les petits copains. En tout cas, on leur souhaite un bel été à ces deux Lascars. Quant à l'asile, la semaine prochaine, un break d'une semaine pour suivre les étapes françaises du Tour de France du côté des Hautes-Pyrénées. Puis le festival Jazz à Luz aussi au passage. On reviendra la semaine suivante pour une dernière de la saison avec un mois de break bien mérité du 25 au 25 août à peu près. Mais l'asile, c'est toute l'année désormais sur son blog asile35.blogspot.fr, émission entièrement podcastable, commentable et également écoutable en streaming directement également sur son Mixcloud/Redman. On attaque l'émission de cette semaine qui va être une émission plutôt avec un certain nombre de choses assez saugrenues qu'on n'a pas eu l'occasion de vous passer jusqu'ici. Et tout d'abord, un disque publié à la fin de l'année 2013 qui retrace un peu le parcours et le talent des poétesses américaines qui ont pris part à l'aventure de la Beat Generation, mais qui n'ont jamais été mises en lumière au même titre que les Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs et autres Gregory Corso. Donc quatre femmes qui se sont érigées un peu contre les codes de la société américaine de leur époque, Ruth Wise, Jamine Pomi Vega et Etty Jones, qui sont à l'honneur d'un double album sous le titre What's Up, femmes poètes de la Beat Generation, que nous devons au directeur du Grimm de Marseille, le guitariste Jean-Marc Montera, qu'on retrouve aux côtés de quelques électrons libres, des musiques free rock et de traverse, notamment Lee Rinaldo, ex Sonic Youth, Ernie Brooks à la basse, les guitaristes Jean-François Pauvros et Noël Acheté, et deux femmes aussi sur ce disque, l'altiste Fanny Pacou, avec laquelle Jean-Marc Montera a sorti un disque en duo d'ailleurs, ainsi que Sophie Gontier à la voix. Je propose d'attaquer avec le titre Word sur des textes de Hettie Jones, poétesse noire américaine qui fut d'ailleurs la première épouse d'Amiri Baraka quand il s'appelait encore Le Roi Jones, mais ça c'est une autre histoire. On écoute Jean-Marc Montera dans Word, extrait de ce What's Up, femme poète de la Beat Generation. Thank you. Et voilà, je me disais qu'il me manquait un peu de fuzz sous acide pour démarrer cette semaine à l'écoute du 94 MHz. On a démarré avec les guitares acérées de Jean-Marc Mantera en compagnie de Jean-François Pauvros, Noël Achoté et Lee Rinaldo, extrait de ce double album What's Up, autour donc des femmes poètes de la Beat Generation, avec la voix de Sophie Gontier qui se prenait pour Patti Smith ou peut-être Lydia Lunch. Et j'ai oublié de vous dire que ce double album qui est sorti à la fin d'année dernière, début 2014, est publié par le label Signature, qui est la subdivision de Radio France et non pas de My Major Company, qui est une subdivision qui était beaucoup plus active il y a quelques années de ça et qui s'est beaucoup calmée depuis déjà 2-3 ans, donc des parutions assez sporadiques mais toujours de qualité, à l'image de ce What's Up femme poète de la Beat Generation de Jean-Marc Mantera, qui était enchaîné avec la formation de Teramo dans la région des Abrus, Inutili, les bien nommés, et leur disque Music to Watch the Clouds on a Sunny Day. Donc c'était pas trop le cas le week-end dernier, mais ça va s'arranger un peu cette semaine. Et donc c'est sorti chez Ahagou à la fin du mois d'avril, du psyché répétitif avec donc beaucoup de saturation comme vous avez pu constater, et énormément de circonvolution comme on les aime dans l'Asie le plus sur un jeune trio donc italien qui fait un peu du rock psyché noise répétitif façon japonaise. On pense pas mal à Acid Mother Temple à l'écoute de ce projet Inutili. On continue avec une séquence toujours italienne, peut-être pour nous rappeler qu'on est quasiment arrivé aux vacances, en tout cas en ce qui nous concerne. Et donc il s'agit du Gruppo di Improvisazione Nuova Consonanza et leur album The Feedback, réédité ces jours-ci. Le Gruppo di Improvisazione Nuova Consonanza, je m'acharne un petit peu, le super groupe donc des compositeurs Franco Evangelisti, Mario Bertoncini, Egisto Macci, Giancarlo Giaffini et Ennio Morricone, le plus connu de la bande. Une formation de musique contemporaine improvisée qui a existé du début des années 60 au début des années 80 et qui s'est illustrée par un certain nombre de disques, notamment chez RCA, Deutsche Grammophon ou encore Cramps. Il y a eu pas mal de compilations aussi sur des labels de musique contemporaine tels que RZ ou Dish Chachtel, mais là on est plutôt aux antipodes et dans le registre nettement plus jazz rock psyché du début des années 70, une musique archi dans l'air du temps. Ils étaient illustrés par aussi des bandes son de films, je crois, un petit peu à l'époque. Il y avait eu deux disques qui étaient sortis l'an dernier par les bons soins du label Cometa, si je ne m'abuse, qui avait donc rendu hommage à ce qu'il produisait tout début des années 70. Donc ce qu'on va entendre, ce disque The Feedback, était sorti à l'époque chez RCA Victor et c'est réédité donc par le label Schema. On écoute la musique du Gruppo di Improvisazione Nuova Consonanza, ou encore The Group, tel qu'ils avaient signé à l'époque cet album sous le titre de The Feedback. Thank you. À l'instant, dans les îles Opus sur une séquence avec des groupes italiens qui portaient des noms anglais et une musique qui faisait pas mal penser à celle que pouvait produire le groupe allemand Can, par exemple, à la même époque, au tout début des années 70. Tout d'abord, le Nuova Consonanza, alias The Group, et son album The Feedback, sorti à l'époque chez RCA Victor, c'était en 1970. Donc les frasques d'Ennio Morricone à ses débuts, il devait démarrer à produire ses premières musiques de films qui l'ont rendu mondialement célèbre, et il continuait à souffler dans sa trompette bouchée comme un hystérique au sein de cette formation d'improvisateurs et de compositions pour les moins épicés. Donc c'est réédité grâce au label Schema, qui réédite donc pour la première fois ce disque The Feedback, ainsi que ce qu'on entendait juste à l'instant, à savoir The Brains Machine. Alors ça, c'est une totale découverte en ce qui me concerne, et leur disque Underground, qui lui était sorti en 1971, un mystérieux groupe de studio qui a pourtant publié deux albums à l'époque, et qui était en fait l'enfant caché du compositeur de musique de film et autres disques de librairie sonore Piero Umiliani, en compagnie de son camarade Alessandro Alessandroni, qui lui aussi était un confrère multi-instrumentiste, compositeur et collaborateur régulier des bandes-sons d'Ennio Morricone. Donc une sorte de musique de film imaginaire, comme on savait les faire à l'époque, avec beaucoup de guitares fuzz et de claviers assez inquiétant. Excellent disque, donc, ce Underground par The Brains Machine, Brains Machine. On continue avec monsieur Tom Kovacevic, et son disque Universe Seen as Skin, sorti chez Immune Recordings. Il s'agit d'un premier disque solo pour ce folk de Portland dans le Maine, qui a fait partie de Fire on Fire et de Cerebus Shoal, ou encore de la formation Big Blood, un disque où Tom Kovacevic revisite avec brio la musique arabe qu'il étudie depuis des années, notamment la tradition des makams, qu'il joue lui-même à l'oud ou encore à la flûte naï, accompagné notamment de djembé du Sénégal ou de percussion chung. Un très très beau disque de ce que l'on pourrait appeler, ou de ce que l'on aurait appelé à une certaine époque, de l'anti-folk. On écoute la musique de monsieur Tom Kovacevic avec le titre Steady Stream of Courses. Thank you. that wire and tell me what they mean. Whatever I am or could be, busy as will not make me. Love that will stay is best, but where is that? I- Dans l'Asie de l'Opus sur un tour d'horizon des musiques saugrenues avec quelques hybridations folk qui ont démarré avec le disque Universe Seen as Skin par Tom Kovacevic, disque publié par le label Immune Records. Alors c'est assez récent, hein, c'est sorti à la fin du mois de mai. Un musicien de Portland, Maine, qui a fait partie de Cerebus Cerberus Shoal. On retrouve d'ailleurs sur cet album Universe Seen as Skin son camarade Caleb Mulkerin, avec lequel il s'illustrait au sein de cette formation c'était il y a une bonne quinzaine d'années. Donc un disque d'inspiration arabe assez fortement. On pense beaucoup aussi à une proximité avec la musique de Sir Richard Bishop en solo ou dans ses différents projets en compagnie d'autres musiciens. Et ce disque de Tom Kovacevic était enchaîné avec quelqu'un que je découvre. Il s'agit de Derek Piotr et son très beau disque Tempa Tempat, sorti sur le label polonais Monotype Records à peu près au même moment que celui de Monsieur Kovacevic. Il s'agit d'un quatrième disque solo pour ce très très jeune compositeur. Il a même pas 25 ans. Il est originaire donc de Pologne, comme son nom l'indique, mais il est basé aux États-Unis et malgré sa jeunesse, il a quand même eu le temps de travailler aux côtés d'AGF, de Richard Chartier ou encore de Scanner. Et ses pièces électroacoustiques ont été nominées au festival Ars Electronica notamment. Donc ce disque Tempar est une sorte de jeu de mots indonésien qui signifie quelque chose comme créer son trou ou son monde. Donc un disque ultra contemplatif, quasi soufi dans l'esprit, on pourrait dire, qui mélange samples de gamelans glitchés et une technique vocale étendue et elle aussi manipulée digitalement. Excellent disque, donc comme je vous disais, très très novateur dans les sonorités électroniques. Et à noter qu'à la fin de l'album, il y a même un remix par Steve Roden pour ne rien gâcher. Voilà, on va continuer avec là un musicien néo-zélandais. On passe pas assez souvent de néo-zélandais à la radio. Il s'agit de Jeff Birch. Lui aussi, il est basé aux États-Unis, apparemment du côté de New York. Et c'est quelqu'un qui, lui, mélange sa guitare au synthé modulaire. Il a fait paraître un album éponyme. Alors, je ne sais pas s'il avait déjà sorti des choses sous son nom. Cet homme-là, ou au sein de d'autres formations, il est totalement inconnu au bataillon. En tout cas, son premier album éponyme est sorti chez Important Records. Il comporte de longues pièces répétitives et évolutives, plutôt intéressantes dans les textures. Et à noter que sur celle qu'on va entendre tout de suite, qui s'intitule La Pérouse, Jeff Birch est rejoint par un second guitariste en la personne de Tress Warren du groupe Psychic Hills. Il y a aussi un batteur sur ce titre La Pérouse de Monsieur Jeff Birch. À l'instant, dans l'asile le plus sûr, un petit voyage en eau trouble qui a démarré avec Jeff Birch, le néo-zélandais basé à New York, et une très belle pièce, ou tout au moins un extrait de ce titre, La Pérouse, extrait de son album éponyme. On a arrêté à peu près au moment où ça devenait assez noise, voilà donc ce titre. Et après, il y a une accalmie et ça repart un peu dans des textures assez chatoyantes, on pourrait dire. Et la musique de Jeff Birch était enchaînée avec celle des tobacconistes. Pas facile à dire ça non plus. De toute façon, vous retrouverez évidemment la playlist dans quelques jours sur le blog de l'émission asile35.blogspot.fr pour avoir exactement la manière dont se transcrivent les titres que je n'arrive pas à prononcer à l'antenne, The Tobacconist. Et donc ce disque A Secret Place, sorti sur le label portugais A Giant Fern. Il s'agit du projet de Scott Foust du groupe Idea Fire Company et son collègue le Batave, membre ou ex-membre de Capote Music, B-Queen ou encore Corm Plastics, et également chroniqueur des musiques de traverse depuis pas moins de 30 ans avec son fan et désormais webzine Vital Weekly, Franz De Waard. Donc un second disque en compagnie de son collègue américain avec lequel il collabore depuis une bonne dizaine d'années, ainsi qu'un bassiste totalement inconnu au bataillon, lui, qui répond au nom de Mike Popovich et qui était quelqu'un qui a beaucoup collaboré aussi aux côtés de Scott Foust, notamment dans son projet The Pickle Factory. Bref, je ne sais pas si vous me suivez encore, mais tout ça n'est plutôt pas mal. Cela fait un peu penser à ce que pouvait produire Bruce Gilbert et son projet Dome au début des années 80. En tout cas, c'est l'intention qui a conduit la musique de The Tobacconist et de ce disque A Secret Place. On continue avec un octet plutôt international, celui-ci, vu qu'il compte des Italiens, des Espagnols, des Américains et même un Japonais. Il s'appelle les Filthy Habits Ensemble et il se consacre depuis quelques années à une relecture assez intensive de la musique de Frank Zappa, d'Igor Stravinsky et autres Edgar Varèse. Ils ont déjà sorti un certain nombre de disques, notamment autour de la musique de ces gens-là, donc un disque autour de Zappa et un autre autour de Stravinsky, et ils reviennent avec un album, je crois, de composition originale sous le titre Gruesome Routines. Et là, je crois qu'il s'agit de compositions du leader de Filthy Habits Ensemble, à savoir l'Italien El Pricto, saxo clarinettiste, chef d'orchestre, tout ça avec des déguisements sur scène pour faire bonne mesure. Un disque plutôt estampillé Rock in Opposition, avant-première prog et autres jazz de traverse, qui est sorti en CD et en vinyle en début d'année sur le label de Barcelone Discordian Records, dont s'occupe le même El Pricto. On écoute un extrait donc de ce Filthy Habits Ensemble et de ce disque Gruesome Routine, le titre qui s'intitule Asbook. Thank you. Thank you.

À l'instant dans l'asile le plus sûr, quelques musiques pour bien passer l'été. Si, je vous assure. Tout d'abord, un très beau disque de Filthy Habits Ensemble, Gruesome Routines. Bon, très apaïen dans le registre. Ce projet de Monsieur L. Pricto. Et c'est sorti sur son propre label barcelonais Discordian Records, qui est un net label à l'origine, même si là il s'agit d'une parution vinylique, enfin vinyle conjointement au CD, le label Discordian Records, où quantité de bandes sont écoutables sur le Bandcamp sur internet dédié donc à ce label, et qui donc favorise grandement les hybridations jazzistiques en tout genre. Et le Filthy Habits Ensemble était enchaîné avec une toute nouveauté du label de John Zorn Tzadik dans une nouvelle série qui s'appelle Spectrum et qui voit le jour. Et donc la première livraison est un trio entre le trompettiste Wadada Leo Smith, le tromboniste George Lewis, qui dans le titre qu'on entendait officiait plutôt à l'électro, et John Zorn donc lui-même, donc des amis de 30 ans réunis sur ce disque Sonic Reverse. Alors la plupart des morceaux sont plutôt acoustiques, mais il y a quelques occurrences où George Lewis se fend de pièces avec ses logiciels de traitement et de retraitement en temps réel assez astucieux et assez pimentés au niveau sonore. Donc un disque plutôt recommandable, sorti en CD chez Tzadik. On va continuer dans un registre assez différent, beaucoup plus calme quoique, avec une nouvelle rencontre entre Monsieur Peter Brotzmann et la paire rythmique John Edwards et Steve Noble, avec lesquels ils collaborent régulièrement. On se souvient de leur disque The Worse and the Better sur le label dédié du Café Otto à Londres, le label Otto Roku, qui récidive avec les mêmes et en compagnie d'un vibraphoniste, Jason Adasiewicz, qu'on a rencontré à plusieurs reprises, notamment aux côtés de Rob Mazurek dans différents projets. Le disque s'intitule Mental Check. Il s'agit donc d'une session enregistrée en concert au fameux Café Otto de Londres le 12 août 2013, dont on n'écoutera évidemment qu'un extrait. Je propose donc la musique de Peter Brotzmann, John Edwards, Steve Noble et Jason Adasiewicz. Ah! Une musique pour se booster le mental, ce disque Mental Check publié par le label Otto Roku en vinyle. La rencontre entre Peter Brotzmann qui n'officiait pas au saxophone mais au taragot, cet instrument d'origine hongroise qui s'en rapproche sur le début de cette session en concert. Plus loin, il joue de la clarinette et du sax. Donc en compagnie du vibraphoniste Jason Adasiewicz et du bassiste John Edwards et du batteur Steve Noble. Un disque plutôt assez chouette, comme la plupart de ce que produisent ces quatre musiciens. Voilà, c'était pour s'acheminer vers la fin de l'émission. Je vous rappelle que la semaine prochaine, je serai absent. Il y aura une émission de substitution qui sera certainement une rediffusion d'une émission spéciale enregistrée ces dernières années, peut-être pas l'an dernier, mais peut-être une émission de 2012, allez, pour changer. On sera de retour en direct pour une dernière de la saison et place après aux émissions en différé avec quatre spéciales que je proposerai pour cet été 2014. Avant de reprendre le cours normal de nos activités radiophoniques autour du 25 août. On se quitte avec un dernier album et un disque qui s'intitule Rêverie, qui est la rencontre entre la musique de Mademoiselle Noveleur, alias de son vrai nom Sarah Sarah Lipstate qui fait pas mal de choses depuis un certain nombre d'années, notamment avec sa guitare plutôt dans le domaine des musiques assez drone ambiante, aux côtés de quantité de musiciens. Et là on la retrouve en compagnie du projet québécois This Quiet Army, qui est un duo mixte qui lui officie aussi un peu dans le drone plutôt metal ou post-metal, on pourrait dire, et pour une session donc de musique assez contemplative. C'est sorti sur le label de Monsieur Bartholomé Sanson, où ça sort plus exactement en ce début du mois de juillet, ce disque Rêverie par Noveleur et This Quiet Army. Il me reste à vous rappeler que les émissions sont écoutables et podcastables sur le site asile35.blogspot.fr ou encore sur le mixcloud/Renman. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis bien évidemment dans 15 jours, à bientôt.